Chapitre 13e, Roumlovka, banlieue de Moscou, mi-janvier. Voilà à présent 8 jours que s'était tenue la réunion au cours de laquelle, avec le président et le premier ministre, Kozlov avait formé sa compagnie de Volkodlak. Il avait rencontré un à un les 9 membres, gardiens des principes, sur lesquels le choix s'était porté. Ils avaient tous accepté de relever la gageure. Il lui restait à voir les 3 garants de l'action, Sernine, Léonov et Zidov. Igor, le chauffeur de Kozlov, attendait son maître en bas de l'immeuble. Le vice-premier ministre était heureux d'avoir retrouvé depuis une semaine son vieux serviteur. Il prit le temps d'observer ce quinquagénaire qui vivait dans son ombre et qu'il n'aurait pas su décrire si on lui avait demandé de le faire. Il constata que le nez vigoureux et droit donnait au visage de cet homme, pas particulièrement grand, de la distinction. Même s'il n'était pas beau, il sortait en tout cas de l'ordinaire par son allure et sa prestance. Le bonheur de retravailler ensemble faisait plaisir à voir. Dès que Kozlov apparut, toujours aussi grisonnant et les épaules tombantes, Igor se précipita pour lui ouvrir la porte arrière de la ZIL. Une fois à l'intérieur du véhicule, après quelques amabilités d'usage, Kozlov demanda de ne pas attendre le grand et musculeux lieutenant-colonel Kuznetsov. « Il nous rejoindra, » déclara-t-il. Igor démarra. Kozlov se plongea dans son dossier. La voiture roulait à bonne allure. Tout à coup, il leva la tête et demanda à Igor d'augmenter le volume de la radio. Le grand héron d'Ouyar Akhamov répondait à une interview suite à l'opération menée contre le leader islamiste Adjipov. En montant le son, le chauffeur dit « C'est l'ancien député de Birsk. Il vient de terminer son mandat de 4 ans à la tête du Bashkortostan, la république du Bashkirie. Il est redouté et redoutable. Sous son allure joviale, c'est un brutal, ce type. Après s'être débarrassé d'Omar Tarkhanov, le porte-parole du califat islamique pour la Russie, voilà qu'il a éliminé le leader islamiste Magomed Adjipov. » À cet instant, la voiture passait devant le 2 place Félix Djardinsky, la Loubianka, le siège historique du KGB. Sur le trottoir faisant face au sinistre bâtiment, Kozlov se souvint qu'un ami de son père avait dit que le refuge du KGB était un endroit où l'on rentrait la tête la première, mais d'où l'on ne ressortait que le pied devant. Kozlov jeta un coup d'œil furtif et embrassa d'un regard le terrifiant immeuble. Le granit gris des 2 premiers étages, qui surplombait un sous-sol dans lequel étaient aménagées salles d'interrogatoire et geôles, faisait frémir les petits et les grands de Kaliningrad au Kamtchatka. La partie haute de la Loubianka, d'un jaune déprimant et pisseux, rappelait les pages de Dostoïevski dans lesquelles, entre les murs mités des demeures, l'ennui et le désespoir étaient la règle. Kozlov avait la chance de voir le siège du KGB dans ses plus beaux atours. La porte d'entrée était pavoisée de 10 drapeaux rouges qui encadraient un gigantesque portrait de Lénine d'une hauteur de 4 étages. « C'est en l'honneur de la visite officielle de la légation bulgare, » dit Igor, en éteignant le poste, comme le lui avait demandé Kozlov. Au moment où la voiture longeait la sortie du métro de la station Smolenskaya, le vice-premier ministre eut la révélation que le système est plus grand que le citoyen. Pour la première fois, l'écrasant immeuble du ministère des Affaires étrangères le tétanisait par tant de démesures. Il comprit brusquement le message que le petit père des peuples voulait délivrer à la fois à ses compatriotes, mais aussi à toutes les délégations étrangères qui viendraient parlementer avec la superpuissance qui était devenue l'URSS. Le projet sans égal de l'Union soviétique devait, selon la promesse de Marx et Engels, marquer la fin de l'histoire. Kozlov avait rendez-vous dans la banlieue de Moscou. Il se rendait à Roumlovka pour rencontrer le prince Pierre Arseniovitch Zernine, le tacticien, que le premier ministre lui avait recommandé. Avant d'aller au rendez-vous, il s'était longuement entretenu avec Dmitri Anatolievitch Kozakov. Lors de la rencontre, Kozakov lui apprit d'entrée que la généalogie de la famille Sernine remontait à la Russie de Kiev, l'état originel dont descendait et procédait la Russie actuelle. Il lui dit que la destinée de la famille bascula brutalement le 14 décembre 1825 à Saint-Pétersbourg. Le prince Dmitri Ilitch Sernine était l'un des instigateurs de la tentative de coup d'État institutionnel qui visait à imposer une constitution au futur empereur Nicolas Ier. Le souverain se montra magnanime en raison de l'appartenance des coupables à la vieille noblesse et parce qu'il ne voulait pas s'aliéner quelques-unes des plus influentes familles du pays. Les princes Sernine, Volkonski et Troubetskoy, condamnés à l'exil, se virent retirer leurs biens, leurs titres, leurs décorations. On les vêtit d'un sarrau gris et d'un foulard rouge, le vêtement traditionnel des bannis. L'image du révolutionnaire Dimitri Ilitch Sernine avec son foulard rouge marqua toute la période communiste. À Koslov, qui voulait en savoir davantage, Kozakov confia aussi que Arsène Ilitch Sernine, le père de Pierre Arsenyovitch Sernine, participa à la construction d'une ligne de chemin de fer que la propagande du Parti communiste appela le grand chantier pan-soviétique. La magistrale Baïkal-Amour était un itinéraire stratégique alternatif à son glorieux concurrent, le Transsibérien. Ouvrier modèle, Arsène Sernine fut l'un des premiers conducteurs de locomotives dès que le tronçon fut ouvert aux voyageurs. Grâce à ce père ouvrier et selon l'idéologie soviétique, Pierre Arsenyovitch Sernine fut prioritaire pour suivre des études supérieures. Il boucla en quelques années son cursus juridique. Il parlait à la perfection l'anglais et le français. La Russie nouvelle de Boris Nikolaïevitch Lomakin ayant vu le jour après la chute du mur de Berlin, la réconciliation avec l'histoire impériale était à nouveau à la mode. Le gouvernement recruta le jeune et talentueux Sernine. Au cours de son passage à l'ambassade de Russie à Londres, il se rendit au fameux College of Arms, la Mecque de l'héraldique, pour qui désire récupérer le titre de ses ancêtres. Après enquête et paiement onéreux d'un droit d'inscription, Pierre retrouva le titre de prince Sernine. En revanche, par une subtilité toute britannique, il était un prince sans terre puisque le titre de prince Nuglitch avait été retiré à son ancêtre. Voilà les informations dont disposait Koslov alors qu'il approchait de la datcha de Sernine. Il avait en mémoire les derniers propos de Kozakov. Pierre se moque de la confiscation de ses biens ancestraux. Il est prince. Cela suffit à son bonheur et à sa carrière. Alexandre Koslov arriva à l'heure indiquée. Le lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov, recruté chez les Volkodlaks pour assurer la liaison avec le KGB et les autres services de renseignement, l'attendait devant la propriété de Sernine. Le vice-premier ministre voulait que son gendre, ancien chef d'état-major adjoint de Dimitri Kozakov, l'accompagnât dans cette mission de recrutement. Il se sentait en confiance près du mari de sa fille. Tous deux prirent l'allée qui menait à la propriété. Sur le pas de la porte se tenait le prince Sernine. Il était petit, chétif, d'allure languissante. Les cheveux d'un blond fade, la barbe rare, le visage couvert de taches de rousseur. Ce quinquagénaire reflétait la consanguinité. Dounia, son épouse, avait préparé un succulent repas. De même âge et de même taille que son mari, elle était d'une blancheur mate. Elle avait des yeux noirs, largement ouverts, et comme écrasés sous une épaisse chevelure sombre. Bien que princesse, elle était la reine du piano quand il s'agissait de fourneaux. Aux côtés des traditionnels pirouchki ou des salades à base de mayonnaise, elle avait cuisiné un pot-au-feu à la russe qu'on appelle un bortsch. Le bouillon de celui-ci était particulièrement relevé, car elle y avait remplacé le paprika par du piment de Cayenne. Le goût, par sa force sapide, était à l'extrême limite du supportable, mais c'était justement cette force parfaitement maîtrisée qui donnait au plat toute sa saveur. Dans une petite coupelle au milieu de la table étaient disposés en étoile 4 piments rouges supplémentaires. Koslov s'était dit en dégustant sa soupe que ces piments étaient superflus et qu'ils devaient avoir uniquement une fonction décorative. Pendant tout le repas, un chapeau tournait en rond dans la pièce. Il se frotta aux jambes des convives avant d'aller se lever sur le fauteuil placé dans la véranda attenante. Parfois, il entr'ouvrait les yeux et constatait que le repas s'éternisait. Koslov voulait savoir pourquoi, plutôt qu'une rencontre dans un bureau à Moscou, à la Maison-Blanche ou au Kremlin, Pierre Arsenyevitch Sernine avait proposé au vice-premier ministre un dîner de travail dans sa datcha. Sernine expliqua qu'après avoir travaillé avec le premier ministre Dimitri Kozakov à la Maison-Blanche, puis intégré la chancellerie présidentielle comme responsable de la division des documents secrets, il avait récemment été muté en interne des services du Kremlin à la tête du département des questions de droit et de défense. « Lorsque j'ai reçu votre avis de rendez-vous, dit-il, j'ai dû prendre des dispositions, car ma fonction actuelle nécessite que je me tienne loin des oreilles indiscrètes. » Koslov, qui soupçonnait des raisons personnelles, fut soulagé de découvrir qu'il s'agissait de motifs professionnels. Sernine était flexible, mobile et capable de répondre à des injonctions imprévues, rien d'exceptionnel. « Je crois, souligna Koslov, que vous prenez à cœur les questions traitées au Conseil de sécurité de la Fédération de Russie auquel vous avez droit d'assister. » Sernine acquiesça en levant les yeux vers le ciel. Il supposait que Koslov savait que cette tâche était sa bouffée d'air, qu'il s'ennuyait ferme au droit et à la défense. Pour montrer que lui aussi avait mené une enquête en vue de l'entretien, il sortit le dossier établi par le KGB sur Koslov. « Je crois que vous appréciez les intelligences vives et que jusque-là, en me contentant de répondre à vos questions, je vous semble transparent. En effet, Koslov ne percevait pas en Sernine l'ambitieux, redoutable et manipulateur qu'on lui avait décrit. Il en arrivait à se demander ce qu'il faisait là. Il ne voyait absolument pas comment intégrer Sernine, même avec un rôle subalterne, dans sa compagnie de Volkodlak. Dounia l'avait nourri. Pierre, pressenti comme maître saucier, le laissait sur sa faim. Au moment où le thé allait être servi, le prince demanda à pouvoir poser une question. Koslov accéda à sa demande. Sernine prit alors, entre le pouce et l'index, un des piments qui traînait sur la table. Il l'agita comme on agite une clochette. Il désigna le chat endormi sur le fauteuil. « Une idée me taraude. J'aimerais que vous m'aidiez à lui trouver une solution. » Il vit dans les yeux du lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov et dans ceux d'Alexandre Koslov de la surprise et de la curiosité. C'était bon signe. Il poursuivit. « Comment vous y prendriez-vous pour faire manger du piment à un chat ?» Kuznetsov, après un bref regard sur l'animal, répondit « Je vous demanderai de tenir le chat. Je lui fourre le piment dans la gueule, l'enfonce avec une des baguettes du service en porcelaine chinoise qui se trouve sur le guéridon de votre salon. » Sernine leva les mains au ciel, faisant semblant d'être horrifié par une telle solution, puis souriant, il galéja. « Mon colonel, ce chat est persan. Je vous assure que ce n'est pas un espion américain. Inutile d'en venir à de telles extrémités. Et puis n'utilisez pas la force. Tout doit être consenti. » Koslov avait écouté. Le prince lui demanda comment il s'y prendrait. « Le plus efficace serait d'affamer l'animal, de confectionner une boulette comportant le piment et de la lui donner quand il voudrait manger. » Sernine Dodlina de la tête n'approuva pas la solution et émit une objection. « Il ne faut pas utiliser la tromperie. C'est comme avec le peuple, il n'oublie pas et ne pardonne pas. » Koslov, qui lisait clairement le jeu de Sernine, lui demanda « Quelle est votre solution ?» Sernine ne se fit pas prier pour répondre. « Le plus sage serait de frotter du piment sur le dos du chat à l'occasion d'une caresse. Sous l'effet de la démangeaison, il se léchera pour se soulager et absorbera le piment. » Kuznetsov, en bon militaire, resta persuadé que le plus simple était de procéder par la force. Sernine privilégiait la ruse. L'idée ne déplut pas à Koslov, qui savait avoir été lui-même victime d'un coup fourré quand il avait été licencié par la ministre de la Culture, Nadia Vorobiova, sur ordre du président Popov, qui désirait le voir achever son mémo sur la Russie nouvelle. Plus qu'à l'anecdote du chat, c'est à la stratégie mise en place par Sernine pour obtenir le job que Koslov avait été sensible. Cette façon d'agir l'avait convaincu que Sernine saurait trouver les recettes, amenant les 11 ingrédients de l'équipe à constituer une sauce homogène pour accompagner les diverses commandes du président Popov. Sernine avait les attributs d'un tacticien. La loyauté, il reconnaissait s'ennuyer dans la fonction qu'il exerçait. L'autonomie, il s'était adressé au KGB pour se faire une idée sur Koslov. La fidélité, il avait vu qu'il ne donnait pas satisfaction à son recruteur. La sagesse, l'histoire du chat était la mise en abîme, la transposition de la situation qu'il vivait et de laquelle il devait se sortir par une ruse. « Voilà, mon maître saucier, il est digne d'être Volkodlak, se dit Koslov, je le retiens. » Sur le perron de la datcha, Koslov serra longuement la main de son hôte. Il le regarda droit dans les yeux. « Le premier ministre Dimitri Kozakov est un homme sage, au jugement sûr. Bienvenue parmi nous, Pierre. Non seulement je t'appelle par ton prénom, mais je te tutoie. Je t'autorise à en faire de même. Merci, Alexandre, pour la confiance que tu me témoignes. J'espère en être digne et être la pierre sur laquelle tu construiras ta compagnie. Sache, signala Koslov, que l'on vous voit le président et le premier ministre. Seul le président nous tutoie. Entre Volkodlak, nous nous tutoyons. » Ce point du règlement précisé, il prit congé de Pierre et ne manqua pas de féliciter Dounia pour son succulent repas. Il devait à présent songer au recrutement des deux derniers Volkodlak, Victor Leonov, le théoricien, et Roman Zidov, l'économiste.